rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial chronique du Whatty Boss Volume 2. Passez une bonne soirée et bienvenue, c'est reparti pour une nouvelle semaine de Planète Rap avec les chroniques du Whatty Boss Volume 2 qui sort dans une semaine. À mes côtés déjà sont présents Monsieur Girochrome, pardon. Aïe. Aïe, comment ça va? Ça va très très bien, ça fait longtemps que je suis pas venu. Eh ben écoute, bienvenue. Ça me fait bizarre. Ravi de... On dirait ça tu avais perdu... J'ai perdu le rythme, mais c'est vrai, ça... Ah, elle a perdu le rythme. Ça reprend vite. Regarde, rigole. Faut que tu récupères le rythme. On s'en s'est entraîné. Mais ça reprend vite, c'est comme le vélo, t'inquiète pas. Oh, tranquille, t'inquiète, ça va revenir. On est là demain, après-demain. Et jusqu'à vendredi. Voilà, toute la vie même. L'équipe de Shinsekai est là aussi. Yep. Comment ça va? Ça va, super. Dajo Abutal, comment ça va, messieurs, en pleine forme? Ouais, on est là, on reprend le rythme tout doucement. Bah voilà. Petit à petit, les choses se font. Et les choses se font bien. Exactement. Très très bien. D'ailleurs, on va débuter avec vous le morceau Billet Facile où on vous retrouve dessus avec plein de monde à vos côtés. Hein, d'ailleurs. Exactement. Dr. Beriz, DRY et Abou de Bain. Et Abou de Bain qui est là aussi. Yeah. Ça va ou quoi, Fred? L'institut représenté par Abou de Bain. Ouais, Beriz aussi qui est dans les parages. Qui va pas tarder. Ouais. Dry est dans le coin aussi. L'intransférable. Il est là de retour. Comment ça va, Fred? Bah écoute, en pleine forme. C'est plaisir de vous retrouver. Ah, nous aussi. Ça fait du bien de vous voir, en pleine forme. Un peu de repos et... C'est reparti pour une nouvelle saison. Monsieur Pétrodollar est dans le coin, je l'ai vu aussi, il est là. Pétrodollar. Elio Pétrodollar est là. Longue vie à la pétronation. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Bah écoute, bienvenue. Et le président est là aussi parmi nous, excusez-nous du peu. Le président, le coach, le meilleur pour la fin. Grand frère. Bah, avec DJ HQ, on présente. J'essaie de mettre bien, je connais toutes ces influences dans le métier, dans le milieu. Bah oui, c'est raison. Ouais. Un gars très sérieux qui est avec nous. Ah là, on revient. Dawala, voilà. Comment ça va? Les chroniques du Whatty Boss, c'est toi. Volume 2, voilà, c'est famille nombreuse. Donc je te laisse le mot d'introduction de cette semaine. C'est la rue, là. Qu'est-ce que l'on doit savoir sur ces chroniques du Whatty Boss? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est Dawala. Aïe. Non, là, franchement, les chroniques du Whatty Boss, voilà, ça représente tout le travail qu'on fait, tous les jeunes qui sont signés chez nous, les anciens qui travaillent. On essaye, voilà. Non, c'est vrai que c'est quand même très basé, ces chroniques, sur les nouveaux talents du Whatty Bay, hein. C'est clair, sur les nouveaux et les anciens aussi, c'est un mélange. Et c'est ça qui fait pour moi le dur, c'est ça qui va faire voilà, que le Whatty Bay va réussir à passer un autre cap. Donc les chroniques, c'est super important pour nous. Il y a YB dedans, il y a Red Cross, il y a Linda, il y a Charlie, il y a Shinsekai qui prépare leur album. Il y a JR et Doumams aussi, Vendetta qui arrive, qui prépare leur album. Il y a Black M, voilà, on sait, voilà, son album il est sorti. C'est un gros carton déjà, Black M. C'est un carton, voilà, on est content. Il y a Abou de Bain qui est là, de l'Institut. Voilà. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est bien aussi de le signaler. C'est vrai que après les cartons de Section d'Assaut, de Gims, de Black M aussi en solo, de Masca qui se prépare aussi, il y a aussi l'idée de penser à l'avenir sur le label Whatty Bay, c'est ça, avec cette nouvelle génération qui sont là, qui sont présents. Comme j'ai dit, Whatty Bay, c'est un peu comme dans le temps Auxerre avec un Guirou qui était là et qui sortait à chaque fois des nouveaux joueurs et qui était super fort, quoi. Voilà. Mais alors, il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. Mais on essaie de suivre ses traces. Voilà, mais version 2014-2015. Voilà. Bon, on va se plonger directement dans le projet qui sort la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, le 15 septembre. Le 15 septembre dans les bacs. Les chroniques à du Whatty Boss. Boutique. Pour la sortie des chroniques du Whatty Boss. Et bon, on va parler des rendez-vous évidemment dans quelques minutes. Mais là, on va se plonger directement dans le projet. On vous a préparé un petit medley de ce qu'on peut retrouver à partir du 15 septembre dans les bacs. Ça donne ça. Dès aujourd'hui, je reste loin des ennuis. Whatty Boss. Planet Rap. Les chroniques du Whatty Boss. Whatty Boss. Volume 2. Skyrock. Planet Rap. Ce soir j'ai le billet facile. Oh. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile. Oh. Le billet facile. L'argent façon facile. Oh. Whatty Boss facile. Planet Rap. J'ai jamais voulu abandonner. Donc aujourd'hui je profite de ce que la vie m'a donné. Ne juge pas. Tu connais ni leur dictation, ni mes choix. Mes valeurs et mes principes concernent que moi. Les gens sont habitués à dire ce qui n'est pas, ce qui n'est pas vrai. Donc ne juge pas. Quand tu veux que la vie soit cool avec moi, mais toi t'es pas cool avec elle. clope avec le temps. Qui passe, qui passe, tout s'efface, tout s'efface, tout s'efface, tout s'efface. Les douleurs, les larmes, les draps. Je les ai vus à travers les plus grands films classiques. La vie c'est du réel, c'est pas les quatre fantastiques. La femme de tes rêves est toute refaite de plastique. Pas les mecs au Hepsari qui gèrent le trafic, non. Les vrais bandits se cachent dans la carte géographique. Et à côté, pense à qu'elle n'a pas de carte. Regarde autour de toi, tout est faux. Les chefs d'état qui font le show. Michael et sa couleur de peau. Les chefs d'état qui font le show. Dansez avec moi, dansez avec moi. On banque la police, joue Gragoire. C'est tous les niggas qui valident la frappe. Dis-moi du futur, je te laisse la place. Gardez votre foutu trompe, donne-nous le bif qu'on se garde. Laissez baliser, ne prends plus pour des outsiders. C'est qui comme dans un petit side. Défiguré par la vibe. Pas sur question de caca. Je prends sur moi, j'en ai souffert. C'est peut-être pas ça que j'aurais dû faire. Mais qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? Voilà un petit aperçu de ce qui vous attend le 15 septembre dans les bacs. Évidemment, on mettra les morceaux. Attends, attends, moi il y a des morceaux que j'avais pas écoutés. Hein. Ah oui? Ah, je me suis mangé des petites flugies là. Ah, il était blessé hier, il a pas suivi sur le banc de touche. Qu'est-ce qui se passe? T'étais en cure? Non, j'étais en convalescence. En convalescence? En convalescence, mais t'inquiète, on est arrivé in extremis au bon moment. Eh ben écoute, on a donné voilà ce qu'il fallait au bon moment. Voilà donc ce qu'on pourra découvrir le 15 septembre dans les bacs. C'est les chroniques du What It Boss, volume 2. Et ça arrive. On va saluer Linda qui est magnifique, qui vient d'arriver, qui est. Lil Dream. Regardez-moi cette petite robe estivale là, c'est. Non, et ce chapeau. Tranquille. Bah non, magnifique. Bon. Bienvenue, ça va bien Linda? Ça va et toi? Bah écoute, en pleine forme. Je le disais, content de tous vous retrouver pour ce Planète Rap. On va évidemment revenir sur chacune des personnalités du label Watibé durant cette semaine. Et on va débuter avec peut-être le morceau Billet Facile. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, pourquoi, Billet ouais, facile. Pourquoi pas, let's go. Bien, pour se mettre un Monsieur peu... Monsieur Debeng, Shin Sekai qui sont présents dessus, Dr Beriz qui en fait, aussi. La vérité, on avait envie, tu vois, directement de démarrer avec une grosse exclue. Ah. C'est comme vous voulez. Bon, ouais, on va commencer billet facile, il y a le clip. Voilà. Ce sera quoi d'ailleurs l'exclu à bout de peine? Qu'est-ce qu'on va passer en exclu dans quelques minutes? En exclu, c'est le titre Madame la Chance. Très bien. C'est un son de dedans tu retrouves Dr. Beriz, Gyrochrome, Dry et Elio Petrodollar. Et Doumams aussi, monsieur Doumams. Doumams aussi qui va. Non. On a tellement l'habitude d'en présenter. Absent du corps, mais présent d'esprit. Là, voilà, carton jaune. Un carton jaune qui est décerné tout de suite. Mais lui, il était remplaçant, lui. On peut pas lui mettre un carton jaune. Non, madame Lachance, ça doit être franchement un très très gros morceau. On est très fiers de ce morceau. Franchement, au niveau musicalité, c'est une dinguerie. Ça. Et bah, ne bougez pas, il arrive dans un instant. Et là, le morceau, ça a été. Le premier extrait balancé, Billet Facile. Billet Facile, c'est le premier extrait. Deuxième extrait. Deuxième extrait des chroniques. C'était Je décolle de Inno. Oh, exact. Voilà. Donc là, celui-ci, c'est extrait de chronique qui sort la semaine prochaine, le 15 septembre. Okay. Voici Billet Facile. Donc, HQ, c'est quand tu veux. Éteignez toutes les lumières chez vous. Allumez vos briquets. Poussez les tables. Poussez tout. Dites à vos parents de danser. Les enfants, dansez. Souba. Ok. Congolais de pure souche, je suis un vantard. Prêt à vendre la ragba pour un costard. Si je me trouve ici, tu n'es forcément nulle part. Certains pourraient se crever les yeux pour qu'on les regarde. Les michetos, c'est des sapins. Avant que tu les ressens. Dans un sharing, depuis que t'as eu son WhatsApp. Petit canard, maman t'a appris à dire stop. Pour te voler le billet violet, bien sûr qu'elle frotte. Sexy lady, ton homme, on va taser. Franchir ce cul, mes négros veulent damer. Tout est physique, ton cul, oui, prends le bébé. Faut que ça se finisse en soirée, Miami. Quoi que des gens sur toi. Les sons, les jugés, demain tu reprendras ton tas. Mais soirs c'était là pour t'ambiancer. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, à vous de peine. Le billet facile, ma chérie, l'argent te fascine. Aïe, aïe, aïe, aïe. D'où viennent tes racines? Ton choix de vêtements m'assassine. Aïe, aïe, aïe. Les passants s'accadent. On rentre dans la ronde, c'est un malin. Aïe, aïe, aïe. D'Abidjan à Douala. Partout dans le monde, c'est un malin. Congolais, expérience apologie. Quand je me sape, vois comment la poule réagit. Avec le sexe opposé, on interagit. Agis, agis, mes gars, si agis. Docile, ça jamais demande à bad night. Si je rince, c'est que je peux passer une bad night. Michael touche le ciel sans mes airfly. Quand je vois Spy, tous mes amoureux de l'asphalte. Allez, regardez le clip. Le clip est beau, le clip est lourd. Il y a une chorégraphie. Tout le monde frotte ses mains au moment du pied facile. Demain tu reprendras ton tas. Mais soir c'était là pour ton danser. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile. Ce soir est le billet facile. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile. Ce soir est le billet facile. Docteur Paris. Le billet facile. L'argent façon, façon facile. Moi tu me fascine. Les gars là sont tapés façon bavon. On est loin des foutes. Niama niama. Oh oh niama niama. Tu veux goûter le succès. Manama. Oh oh manama. Je suis beau, je suis gauche, ma bisistra. Je sais très bien que juste pour la mala, je pourrais poser 10 bouteilles même si j'tise pas. Bien, bien. Les montres et les petites sables. Dommage que la fin du mois soit écrase. Je suis gars, ce que veulent ces petites tasses. Quitte là pour les schnexers, j'ai du whiskas. Mon gars, y'a pas si longtemps que ça. Tu ne regardais pas, mais mon gars, me c'est dans le jeu. C'est Kayak, ma dégaine, le charisme et le style. Ce soir, on vient du groupe, on surtout pas na. Quoi que dire, le clip est disponible. Allez, rien à foutre, voir les gilets. Les chroniques du mois de juin, volume dans le 15 septembre dans les bars. Mais soir c'était là pour t'ambiancer. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir est le billet facile. BG, le billet Mary facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Le billet facile, de Benga le billet facile. Le billet facile. C'est le Sénégal. Le billet facile. Périsa le billet facile. Oh oh. Le billet facile. Bégao, bégao. Le billet facile. Congo, Kinshasa, Brazzaville. Ha! À l'instant, le billet facile, c'est extrait des chroniques du Whaty Boss volume 2 sur Skyrock avec du monde hein, dessus. Il y a évidemment Shinsei qui avait reconnu, Dr Berry's qui est présent dessus, Abou de Bang est présent et Monsieur R-Y, et l'intransférable évidemment. Il est là aussi avec nous ce soir dans le studio et puis on peut saluer, je pense même qu'on peut l'applaudir, celui qui nous a ambiancé tout l'été, Black M est là. Big Black. Les yeux gli gli. Big Black, les yeux plus gros que le bail. Est là. Ça peut-être ça va ou quoi. Ça va et toi hein. Ça va nickel. En pleine forme. Pleine forme. Bon, c'est chronique du Whaty Boss, t'as eu le temps de jeter une oreille parce qu'il y a JR qui nous disait oh, je découvre des morceaux incroyables. Ah non, moi j'ai tout écouté. T'as tout écouté. J'ai déjà tout écouté, validé. Tout est dans la boîte. La compile elle est lourde et voilà. J'ai un morceau dedans, ouais, j'ai clôturé là. Évidemment, tu clôtures ce deuxième volume des chroniques du Whaty Boss. Exact. Bon, et tout va bien pour toi? Tout va bien, bientôt la tournée. Les yeux plus gros que le monde, ça s'est porté et ça se porte toujours aussi bien. Le CD est platine, ça fait plaisir. On est content. Platine. Qu'est-ce qu'il y a à bout de bingue, on t'entend pas? Non, j'ai dit en route vers le double platine. Bah, c'est tout mieux simplement. Qu'on entende ta voix, ouais. Franchement, il a fourni un gros taf, c'était très dur, très éprouvant. Et voilà, on est. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Non, franchement, ce n'est que le début. La tournée là, qui débute quand, Black M? Début octobre. Début octobre. Début octobre, ça finit en décembre. Et c'est possible qu'on prolonge. Donc c'est pas fini. Tiens, restez là un petit peu tous parce que quand on tape WattyBO, quand on tape tous les membres du Whaty Boss sur le net, on voit plein de choses. Il y a des choses vraies, des choses fausses. Par exemple, tiens, ça te concerne directement Black M. Aujourd'hui, quand on cliquait Black M, dis-moi, on pouvait tomber sur une info en disant que tu étais le cousin de Stromae. Est-ce que tu as vu cette histoire? Ouais, j'ai vu, c'est Perez Hilton, il a dit ça apparemment. Alors, il a dit que j'étais le cousin musical. C'est un blogueur influent qui est très connu aux États-Unis, qui taille souvent les vedettes aux États-Unis et qui a dit quand même une très belle chose sur toi. Ouais. Donc il y a un carré qui dit si vous aimez Stromae, alors nous pensons que vous allez aimer Black M également. Le rappeur franco-guinéen chante comme Stromae en français. Bon, c'est un compliment. Bon, même temps, oui, on peut en parler. Et acoustiquement, ont tous deux une sensibilité similaire. Pas tout à fait frères, ils sont plus comme des cousins musicaux. Leur son est global et instantanément agréable pour les oreilles. Pas mal. Pas mal, ouais. Un des blogueurs les plus influents aux States. Peut-être bientôt les States, mais. Donc peut-être les States. Alors qu'est-ce qu'on pouvait lire aussi sur Whaty Boss aujourd'hui? Tiens, Dawala. C'était une info qui te concernait. Shabba. Qui disait Dawala veut sponsoriser le PSG et rentre dans le capital du PSG. C'est des rumeurs. Bah, tout le monde vrai veut. Ou faux? Bah tout le monde veut, mais après maintenant, est-ce que tu peux? Ça c'est une autre chose. Ah ouais. Bon, on en est où dans le foot d'ailleurs, Dawal? Un petit point dans foot. Le foot, on est très très bien. Bon, on est toujours avec Montpellier. Qu'est-ce qui se passe pour Bobosch aussi? Bobosch, bah là la saison elle a repris. C'était un peu, c'est un peu chaotique. Difficile, hein. C'est pas chaotique parce que c'est le début de saison. Mais voilà, il y a une bonne équipe. Je pense qu'on va aller très très loin. D'ailleurs, la semaine prochaine, on joue à Palaison en Coupe de France. Et non, il y a une bonne écurie. Après, on s'est quitté. On a signé avec Caen. Quand on les suivait, bah ils sont montés en première division. Ils sont sur les maillots. Pour Caen. Ouais, ça se passe très très ça bien. Va on est donc très Ouattibé bien. Dans le foot, toujours Montpellier, Caen et puis peut-être d'autres aventures. Bobosch. Et alors, tiens, une autre info, ce qui est tombé sur toi aujourd'hui, tu disais Dawala sera juré dans The Voice. Ça c'est qui a mis ces rumeurs là? Bah, c'est Black M ça. Ça c'est Black M, c'est toi? Alors rumeur, vrai, faux? Ah, c'est une rumeur. C'est une rumeur. Mais tu le ferais ou pas? Moi? T'as vu ma tête? Est-ce que je le fais? Regarde ma tête. Je te verrais bien te retourner d'un seul coup sur le fauteuil. Hop. En réalité, il ferait pas The Voice, mais avec le Ouattibé, c'est un peu ça. C'est ça, ouais. Il va, il détecte des défis. C'est The Rue, alors. C'est pas The Voice. C'est The Street. C'est The Rue. The Street. The Street Volume 1. C'est The Street Volume 1. Donc ça non plus, ça c'est faux. Non, c'est pas pour moi. Bon, et puis dernière petite info, ça c'était autour des chroniques du Ouattiboss. Alors, Maska n'est pas sur le projet car il prépare son premier album solo. Vrai ou faux? Vrai. Ça c'est il vrai. Il prépare son album et on sait que c'est important. Surtout le premier album de chaque artiste. C'est vrai que Black M, il a déjà sorti son album. Bon, il y a un petit succès, on est content. J'espère que ça va exploser encore plus que ça parce qu'on attend encore plus. Mais c'est très très bien qu'est-ce qui se passe. Et Maska, voilà, il se prépare pour son album. On est tous derrière lui et voilà, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Ce sera encore les prochains mois, les prochaines années sous le sigle du Ouattibé. Ouais, je pense avec tout ce qui se prépare là pour avoir participé à la réalisation un peu de l'album à Maska, franchement, c'est une grosse dingue. Bon, espace-temps. On suivra, on en parlera peut-être avec lui, je sais pas s'il doit passer dans la semaine. Ouais, il va passer. Ouais. Après, il y aura l'album de JR et d'Oumams. Ah bah, JR, il est là. Vendetta, ça se prépare. Ah, Vendetta, ça se prépare. Hein. Là, on est en mode charbon, poteau. T'as les queumets qui sont en mode charbon avec les casques, avec les torches sur la tête. Là. Fred, excusez-moi. De la suie. Maison hantée, c'est... en mode maison hantée, non? Ouais, en mode maison hantée. Donc là, ça bosse après, sérieusement album, dessus. Ouais, un album, quand tu le fais en groupe, t'as vu, c'est différent. T'as vu, il y a plusieurs personnes, tout ça. Et là, vous êtes deux? Là, on est deux, ça demande un peu plus de travail, tout ça. Mais bon, en même temps, c'est bien, ça permet de s'épanouir un peu, tout ça, et de montrer aux gens un peu ce qu'on vaut, tu vois. Et ben, on suivra ça, en tout cas. Black M, tu voulais nous dire quelque chose? Non, j'allais dire que j'écoute à peu près ce qu'ils font à gauche, à droite. Eux, c'est les plus vénères. Eux ils préparent vraiment des dingueries. JR et lui là, c'est très grave ce qui se passe. Ouais, c'est grave. Et entre parenthèses, top tweet. Ouais, top tweet. Quand maintenant là? Mais on est combien? Right now. On est combien? Et bah allez-y, balancez avec le hashtag Ouattibé sur Skyrock. Allez-y, Ouattibé numéro 1. Ça c'est grave d'ailleurs, non, pardon. Soldat. C'est Ouattiboss sur Skyrock. Ouattiboss sur Skyrock. Le hashtag Ouattiboss sur Skyrock. Hashtag Ouattiboss sur Skyrock. Et nous sommes troisième, on me dit dans l'oreillette. On veut être premier. On veut être. Allô, les Ouattis soldats. Allez-y, cliquez, envoyez des messages. On va revenir dans un instant. Peut-être qu'on va être premier avec ce morceau. Incroyable. C'est quoi? Que l'on va découvrir, qui s'appelle Madame la Chance. Madame la Chance, voilà. Et il y a le clip. Comme je disais tout à l'heure. Il y a le clip. C'est un gros morceau. D'ailleurs, Dr Beres qui vient d'arriver. Il vient d'arriver. Calme. Voilà, c'est lui qui est au refrain, tout ça. C'est un gros morceau. Il n'y a pas besoin de parler. Je pense que les gens vont changer la gifle. Ça fait déjà le temps, t'as vu, trouver les frères autour de la table. Je sais, ils ont déjà bien fait le bail. Bon, tout va bien, Beris, en pleine forme. Content de retrouver tout le monde. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. On sort direct de studio, là. On va revenir dans un instant. Donc, il y aura ce morceau Madame la Chance avec toi à découvrir avec Graille, avec Girochrome. Elle est au pétrodollar présent aussi sur ce titre. C'est lourd ce morceau. Et bon, on va le découvrir dans un instant. Juste avant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le clip en même temps. Et le clip en même temps. Voilà, c'est en. Là, tout de suite, là où tu parles, là, le clip. Il va sortir en même temps que le morceau. Allez le chercher, il vient de sortir. Frère, bastos. Et ben, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le met. On le met maintenant alors. On en a parlé. Il faut d'abord qu'on écoute le son avant d'aller mater les images. Bien sûr. Lance ce son. Allez, balance. C'est parti. Sortez les mouchoirs. 9-2. Sortez les mouchoirs. 1. Mais si, mon gars, sûr. Qui disparaissent sans conséquence. Je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans qu'on y pense. Je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans conséquence. Je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans qu'on y pense. Elle ne m'a jamais épousé. Certains qu'elle appelle la chance, moi. Elle n'est jamais de mon côté. J'ai cru deux fois qu'elle me faisait signe sur la même longueur d'onde. Mais c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Elle m'a toujours contourné. Peine de cœur, je rêve de la détourner. Certains sont touchés par la grâce, d'autres par la poisse. On me dit choisis ta voie, alors face à moi y'a qu'une impasse. J'ai vu que je touchais pas au but, même au gré des passes. J'ai habitué du vent de touche, j'ai peu de face à face. Mais il paraît que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais c'est les nôtres qui paient la note. Moi comme tous ces Boeing, mon rêve est de la détourner. Au pied du mur, comment la voir si j'ai le dos tourné. J'ai vu le bonheur passer comme une étoile filante. Ça va fêter le réveillon sur un capot mais sans guirlande. J'ai tout misé sur l'écriture à défaut de finir chef de gang. Les seules étoiles qu'on voit briller trouve dans les stades ou sur les champs. J'ai pas toujours été au top, d'ailleurs je me demande à quand mon tour. J'ai mis du temps mais pour apprendre à les religions à t'y penses. Sans réfléchir avec les naseaux pleines de poudre. On la convoite au clair, c'est tout comme dans les tribus papou. Ne m'a jamais épousé. Certains appellent la chance, moi. Elle n'est jamais de mon côté. J'ai cru deux fois qu'elle me faisait signe sur la même longueur d'onde. Mais c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Elle m'a toujours contourné. Peine de cœur, je rêve de la détourner. Je vois le paradis à quelques kilomètres. Le navire a chaviré et ma bonne étoile a prévu la même. Docteur Beris, mon compagnon, le désespoir me rappelle qu'on ne sait pas nager. Ma descendance ne saura jamais où mon corps a pu échouer. Combien on a perdu la vie. Et combien ils pensent tous les jours. Big up à tous mes gars d'Afrique. Gardez la pêche les mecs. Et si personne bouge. What you pay? Madame la chance dans les bacs, X One. Elle ne m'a jamais épousé. Jamais. Jamais. Certains l'appellent la chance, moi. Elle n'est jamais de mon côté. J'ai cru deux fois qu'elle me faisait signe sur la même longueur d'onde. Mais c'était souvent l'autre type à qui elle faisait sauter le plafond. Elle m'a toujours contourné. Peine de cœur, je rêve de la détourner. Une douleur sans médicament. Je vous parle d'une vie du tiers-monde. La valeur d'une âme en diamant. Méprisée qui vient du tiers-monde. Je rappelle ce que je vis, j'avance avec un regard de glace. Le savoir est une arme, on peut blesser avec des mots. Si je te racontais ma vie, je crois bien que tu pleurais à ma place. Mais trop de mes larmes parce que j'aime pas gaspiller l'eau. Restez lucide, c'est déjà une réussite. Si je dois mourir avec une arme, je pense au braquage, pas au suicide. Elle m'a abandonné depuis ce jour-là, ça va pas. Certains l'appellent la chance. Moi j'appelle ça la baraka. Quand j'étais petit, je croyais que j'étais son préféré. J'y échappais de justesse quand les autres se faisaient déférer. Elle me rappelle en masqué, donc souvent je décroche pas. Je croyais qu'elle me faisait du pied, en fait c'était un croche pas. Ne m'a jamais épousé. Certains l'appellent la chance, moi. Elle n'est jamais de mon côté. J'ai cru deux fois qu'elle me faisait signe. Les chroniques du Wazzy Boss volume 2. Mais c'était souvent l'autre type. Quand cette dame dans les pieds, elle faisait sauter le plafond. Gros, trop de mission. Les chroniques du Wazzy Boss. Va chez Cher, poteau. Madame la chance. Prends de la sopa. Je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans qu'on y pense. On est des millions. Je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans qu'on y pense. Madame la chance, où es-tu? Je fais partie des millions de gens qui disparaissent sans qu'on y pense. Madame la chance à l'instant. Je vois les messages arriver. C'est bon, hein. J'arrive même pas à lire tellement ça va vite, poto. Ah ouais, ça n'arrête pas. Des tueries sérieux, allez-y. Wati bon son. C'est quelque chose quand même le son de Wati Boss sur Skyrock. Bah voilà, continue à balancer avec le hashtag Wati Boss sur Skyrock. Et ce morceau où on retrouve donc Dr Berries, Dry, Gyrochrome, Elio, Petrodollar qui est présent dessus également. Sur Skyrock. Oh là là, un gâteau arrive. Joyeux anniversaire à Nawala, c'est Toto, ils m'ont fait une surprise là. C'est comme ça que ça se passe. 22 ans, 22 ans, de toute façon, c'est Wadibé. De toute façon, c'est Wadibé. Magnifique, regarde. Wati gâteau aussi. Madame la chance a frappé à la porte, le gâteau est arrivé. Waouh! Il pèse le gâteau. Ah, il pèse, attends. Franchement, il est beau, c'est un beau gâteau. Avec en plus les initiales, les chroniques du Wati Boss. Satiné, tout ça. Mais pourquoi il y a 15 ans? 15 ans, en fait, ça fait depuis 90. Ah oui, je pensais que c'était ton âge. Je me disais merde. Depuis Purson Ghetto, en fait, voilà. Jusqu'à 2014. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, ça fait 15 ans qu'on est dans la musique. Et voilà, c'est. Dans le gâteau, il y a quoi dans le gâteau? Je sais pas, il y a des CD. Et ben, on va le couper. Une parenthèse. On va vous le dire dans un instant. Une petite parenthèse. On va le couper. Attendez, deux secondes. Je vais faire une grosse dédicace à mon gars Coco là qui est au placard actuellement, qui est en train de nous écouter. Donc force à toi mon sauce, mon gars John, garde la pêche ma gueule. Yeah. Et moi j'ai une grosse dédicace à Cranmax, mon gars Cranmax et Petro, garde la pêche mon sauce. Yeah. C'est important aussi. Merci. Écoute, Dawala en tout cas profite bien de ce gâteau, on espère aussi fêter les 30 ans de Wattibé, la musique. Le 15 septembre. Donc voilà, on le fête un petit peu en avance. Bah voilà, plein de bonnes choses pour toi en tout cas. Le gâteau est arrivé, on va revenir nous dans un instant. Il y aura du live, ne bougez pas, le Planète Rap continue. Petite question aussi pour repartir avec les chroniques du Wati Boss. Quand est sorti le premier volume des chroniques du Wati Boss? Allez-y, si vous avez la bonne réponse, il nous faut la date exacte. Allez, non, mais non, à Abou. On sait pas, il s'est trompé, c'est pas à toi que je posais la question, c'est aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Donc allez-y, si vous avez la date précise de la sortie du premier volume, vous l'envoyez avec le hashtag Wati Boss sur Skyrock 41759 et on revient juste après ça. Mais gars sûr, tel coup. Comme toi, la section d'assaut a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Avec les chroniques du Wati Boss volume 2, c'est dans les bacs la semaine prochaine, le 15 septembre, et le Wa qui débarque dans ta ville prochainement. Voilà. Exactement. Ouais. Messieurs, qui nous donne les dates pour retrouver toute l'équipe? Moi, Abou, moi. Abou, j'y ai. Bah, les deux, hein, chacun peut-être. Allez, voilà. Allez, en équipe. Un sur deux. Alors, le 15 septembre, le jour de la sortie, on sera à Paris, à la Wati Boutique, comme d'habitude. Voilà. Le 17-09, on sera à Caen, boutique officielle du stade de Malesherbes. Alors, le 19 septembre, on sera à Montpellier, à Odysseum, c'est-à-dire la boutique officielle du club de Montpellier. Montpellier. Voilà. Exactement. Le 19 septembre, le 20. Le 20 septembre, ouais, excuse-moi, on sera à Marseille, à la Wati Boutique, dédicace à tous les Marseillais. Alors, le 24 septembre, on sera à Toulouse, au magasin Météorite, 42 rue des Filatiers. Yeah! On sera tous là! Le 26 septembre, on sera à Bordeaux, au California Dream. Et pour finir, le 27 septembre, on sera à Never. T'es un carré, de toute façon, on le sait, Abou. Donc à Never, ouais. Magasin fan des marques. Fan des marques. Et comme vous le savez, comme à chaque fois, ceux qui viennent avec un CD repartiront avec un t-shirt offert. Collector, inédit, il est pour vous. Exactement. Donc venez nombreux. Avant de passer au freestyle par téléphone, dans quelques minutes, on met un autre son balisé. Ok, mais n'oubliez pas, le clip, il est disponible. Ah, ça y est, on n'oubliez pas, il est lourd. Et le morceau maintenant balisé, sur ce morceau on trouve Dadju, Dry, Giro Chrome et Dr Berries tout de suite. Aïe. HQ, quand tu veux. Trop fort que la folie, sous Bagua, je suis fou, les niggas qui valident la frappe. Moi tu futis, tu laisses la place. Les potes font du trompe, donne-nous le bif, on se garde. Laisse les baliser, nous prends plus pour des outsiders. J'arrive en équipe, je vois Dory vos équipes. Y'a pas ni une ni deux quand il s'agit de faire les critiques. On va dire comme ça un kick. Laisse les polémiques. Avant que la mort me frappe, il me reste un peu de temps pour les gifler. C'est quand même gros piqué. Pour compter ce pick-up, cousin y'a pas photo. Entre la lambeau et le pick-up, j'ai smoke comme un sticker. Fais vos pronostics. PR aura le titre car la victoire n'est qu'un cycle. Comme Ulysse vient pour charger l'œil du cyclone. Tiens la tour du rap français. Tous tireront mon corps. Ils aimeraient tous nous voir clamser. Viens le Wati Boss. Si tu veux placer, avant qu'on ne parle de toi qu'au passé. W assez laxé. On t'a dit nos limites. Les simples sports, le succès, nous on fait pas les timides. Les connards ont goût luxé. À bouger la tête sur nos chroniques. J'ai le canot du Broly qui la radiophonie. J'ouvre ma boîte. Valide la frappe. Et moins du futur, tu laisses la place. Si vous trouvez du tourne, nous le bif, on se casse. C'est balisé. Ne prends plus pour des oseilles. Yeah. Ibalise mon frère. Comment tu te sens quand j'arrive avec mes concepts sceptiques ou pas, tu vas te manger ton petit coup de sel. Petit con, passe-toi, sauve-toi quand tu peux. Je suis un siphon, je parle pas, croise-moi, fais un vœu. Enlève ton trois quarts de merde et on se place où tu veux. Pour moi tu veux, va les fuck les suricates, sauf tu peux. C'est le gars des Daily mineurs. Tu mises ta carrière de merde sur des Daily mineurs. On est des cracks, on donne du taf si t'es un Daily mineur. Débile, Bébélisé qui flotte, qui l'a. Qui valide la frappe. Au moins du futur, tu laisses la place. Arrête de foutre du trône, donne le bif, on se casse. Ne prends plus pour des oseilles. Qui me check, les mecs à fond de toi qui font la promotion en sticker. Pour mes niggas qui passent au premier rang quand ça kick. Depuis que je fais des mises à la monde, je suis piqué. Après j'ai dans le portant depuis mes premiers pas. J'ai pas choqué, pas mal déjà. Vous comme un fan avec la frange. Quand ça dégrade, ça dégrade. J'ai comme un peu pour dans la trachée. Ça va se kicker, ça va se fisser, ça va se tourner. Oh oui, t'as sur les chroniques du Watchy Boss. Dans la famille, je ne sais qu'un, moi je voudrais. Et pour les mon acolyte, j'ai du platine. On va t'arracher la tête au défilé. Bob, pour les tests, qui c'est qui me faut juste à la fin. Les loups-garous du pit, tu me gâtes de voir le bar mal. Théma, on fait la cour même sur un thème. T'as même pas fait le quart du taf, ton carré de père. Poli, j'ouvre ma gouache. C'est tous les niggas qui valident la frappe. T'es moins du futur, tu te laisses la place. Regardez votre foutu trône, donne-nous le bif qu'on se casse. Et c'est balisé, ne prends plus pour des outsides. Ça kick comme dans un foutu side. Défiguré par la valise. Pas de question, c'est rien que ça à faire. Ne prends plus pour des outsides. Non, non, non. Welcome to the world. Le 15 septembre, in your motherfucking face, nigga. J'ai entendu, hein. À l'instant, c'est extrait des chroniques du Whatty Boss, le volume de Balisé. C'est ce qu'on retrouvera dans les bacs le 15 septembre sur Skyrock et grosse équipe. Hein, de... Comment ça kick sur le morceau, c'est incroyable. Black M qui est là aussi avec nous ce soir, avec toute l'équipe du Whatty B qui est là aussi ce soir entre 20 et 21. Pour les chroniques du Whatty Boss, t'as volume pas coupé ton gâteau, Dawalin ? Non, là, si on commence à manger, on va plus parler. Mais on parle après, on mange après. On mange après. On va parler et on va rapper. On va surtout vous dans un instant, session freestyle dans quelques minutes qui se prépare. Juste avant, je vous présente Jalal de Limoges. Salut Jalal. What up, Jalal ? Ça va bien ? Ça va, tranquille, ça va. Bah écoute, en pleine forme avec toute l'équipe du Whatty Boss qui est là. Salut Whatty B. Yeah, voilà. Ça va, potin ? Ça va, tranquille. Yep. Bon, tu es prêt à nous faire un freestyle ? Une 30 pour le freestyle ? Ouais. Prêt, carré ? On t'écoute, c'est parti Jalal. Ok. Mm-hmm. Yep. Kick ça, my nigga. Ok. Ok. Yo. Je veux une black card crédit. Bye bye chérie, je veux qu'on m'écoute en province et dans les quatre coins de Paris. À chaque flow je varie, je passe du coq à l'âne, je veux du Jack Dan pur, je vous laisse tout le coq à l'âne. Décalage, ok, j'avoue mon équipe est assez folle. Wicked, wicked, on a démarré, faut qu'on décolle. Depuis que j'ai quitté l'école, j'ai perdu mon vocabulaire. Fini les où t'étais, tu fais quoi, j'ai pas vu l'heure. Délire un peu, vous ne m'écoutez pas si vous êtes sourds. Iso Polyfly, suivez-nous, qu'est-ce qui vous êtes sûr. Me tends pas la main, j'arrive en boîte en vête sûr. Souhaitez-moi la mort et je vous tuerai pour être sûr. Ils ont déjà voulu nous imiter, nous égaler. Puisque le rap est un game et qu'on dort. Il paraît j'ai des flots, des phases aiguisées. De la folie dans les veines, bitch. Mélange de projet X et projet Blair Witch. Trop speed, j'ai un moteur de Subaru. Animal et chanteur, loup-garou. Eh, comment dire. Si j'écris pas deux jours d'affilée ta gueule, je suis en repos. Hé les gars, ça kick, c'est qu'emballer vos bails à l'ancienne. Deux niveaux d'écart, couillon, je suis Paris, c'est Valenciennes. Et vos gars n'ont pas d'équipe. Veulent défier ma team, tu chelles en voyant ta meuf avec un mec. Victime, bim, t'es le virage, je suis un phénomène. Mentalité fait l'effet, mes drive-by sur un vélo. Hello, mello, bec, dès que je décolle, on décolle, on tip. La vie d'Aloca vient, on s'en va loin de ce que les gens disent. Je veux pas finir à la rame à tout qu'un mec me dise obéis. J'ai vu des chômeurs rouler en CDI. Ok. Ok. À l'instant, non, Jalal, non, non. Dry, non, non. Dry. Non, non. On peut peut-être avoir le témoignage de Dry, puisque non, c'est ton instru. Alors, ce freestyle de Jalal, bon, hein. Il a kické, hein. C'est le cagoulé, c'est pas facile. Ah bah, voilà. Il est un peu technique. Tout ça. Technique, c'est pour des techniciens. Mais voilà. Bien, mon frère. Lourd. Merci beaucoup. Aïe. Eh ben bravo à toi, on peut te retrouver sur le net quelque part, Jalal, vas-y. Sur le net, j'ai un clip qui tourne beaucoup sur YouTube qui s'appelle Amstramgram, donc Jalal Amstramgram, ou alors sur les réseaux sociaux, Twitter, Jalal Musique, J-A-L-A-L-M-U-S-I-C. Voilà, il y a un peu tout. Eh ben bon courage pour la suite, en tout cas. Okay, est-ce que je peux faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Merci, je vais juste faire une dédicace à mon groupe, le Wicked Gang, avec Melo Beck, Raller, F et Mario. Je vais dédicacer à DJ Sowan et Clark Scott et à Mega, Diaz, Flo et Vanto. Ça roule, à bientôt Jalal. Voilà, merci. Passe une bonne soirée sur Skyrock. Est-ce que tout le monde est prêt pour le live maintenant? On est prêt. J'ai juste une petite info avant le freestyle. Vas-y, la clem. C'est pour ceux qui connaissent le White Dream de Paris. Ah, prochainement, il y en a un qui va ouvrir à Alger. On sera présent à l'ouverture. Il y aura Dawala, il y aura Black M, il y aura Shinseka, il y aura le Watibé. Aïe. Loupé, passé quand t'as une date pour les gens qui nous écoutent en Algérie ou qui vont bientôt y aller? Prochainement. Une date? Prochainement, c'est la date. Voilà. Prochainement, c'est bien, ça résume tout. Bon, prêt pour le live? Bientôt. Ready. HQ. C'est quand vous voulez maintenant. Session live. Les chroniques du Watibus, ça sort la semaine prochaine, le 15 septembre dans les bacs. Déjà le deuxième volume et on découvre toute la semaine dans Planète Rap entre 20 et 21. C'est bon HQ ou c'est... DJ HQ. Ah oui, c'est bon. Je vois s'activer, c'est bon. Les chroniques du Watibus volume 2, yeah. Le 15 septembre dans les bacs. Oh, oh, ah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Congolais depuis Urso, je suis un vantard. Prêt à vendre la ragba pour un costard. Si je me trouve ici, tu n'es forcément nulle part. Certains pourraient se crever les yeux pour qu'on les regarde. Les michetos se dessinent pas, mais tu les le zap. Dans un sharingan depuis que t'as eu son WhatsApp. Petit canard, maman t'a appris à dire stop. Pour te voler le billet violet, bien c'est qu'elle preuve. Sexy lady, ton nom, on va le taser. Franchez ce cul, mais les gros veulent damer. Tout est physique, ton cul, oui, 30 mètres. Faut que ça se finisse en soirée Miami. Sur toi, toi qui dis plus rien à foutre, laissons les juger. Demain tu reprendras. L'histoire c'était là pendant l'océan. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ma chérie, l'argent te fascine. Aïe, aïe, aïe. D'où viennent tes racines? Ton choix de vêtements m'assassine. Aïe, aïe, aïe. Les pas sont saccadés. Le rond dans la ronde, c'est ta malade. D'habitude, j'ai un toit là. Partout dans le monde, c'est ta malade. Mon congolais, expérience apologie. Yeah. Je veux savoir comment la faut réagir. Yeah. Avec le sexe opposé, on interagit. Agis, on est bien. Si Agadji, aussi, il sait jamais de moi ta bad night. Si je l'insiste, je veux passer une bad night. Comme Michael, touche le ciel sur mes airfly. Quand je vois Spy, tous les amoureux de l'asphalte. Quoi que dérive, les gens vont tous nous danser dans le salon dans les bacs. Plus rien à foutre, laissons les juger. Si, si, mais ça va au jacquard, tout ça c'est pour vous. L'histoire c'était la pire de l'océan. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, l'argent vason vason facile. Watibé facile, du calé sous ta paix pas son bâton. On est loin de foutre, nyama nyama. Oh, nyama nyama, tu peux goûter le succès. J'ai les bouches, le cauchemar des six rats. Je sais très bien que je suis juste pour la malade. Je pourrais poser une bouteille même si je suis pas. Bien, bien, les montres et les petites sables. Dommage que la fin du mois ça ricrague. Je sais qu'à ce que avec ces petites tasses quitte là. Pour les chèques, j'ai du whiskas. Pour la fin, mon travail a passé longtemps que ça tire. Regarde, pas mettre tout à fait, mais c'est dans ce que je fais. KL, tu fais pas de gueule, le chien, c'est juste à le seul. Je viens faire du bouquin, surtout pas là. Toi qui dérises les gens, je t'égale. Et tout seul, plus rien à foutre, les voix, les gilets. Tu reprendras ton temps. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, de Beng le billet facile. Le billet facile, le billet facile. gars. Le billet facile, oh, Belize a le billet facile. Congo, Kinshasa, Brazzaville. Le billet facile. On va dévomber. Ok, le 15 septembre dans les bacs. Bon. Allez, on continue pour le live ou quoi, messieurs? Parce que là, on va pas s'arrêter après ça, quand même. Quand le Watibé ne veut plus s'arrêter. Ah bah ouais, il faut continuer maintenant. C'est parti. Hey, mais ça chauffe ici. Chauffez pas trop, les gars. Les gâteaux, ils vont fondre. Regardez les gâteaux. Train de fondre le gâteau. Les kickers, ramenez-vous, les kickers. DJ SQ au platine. Vous connaissez le DJ numéro 1. On sait tout faire. On sait tout faire. Tu veux un hit, on le fait. Tu veux un son gang, voilà qu'on le fait. Abou de Bang. Maintenant, tu vas assumer. Abou de Bang. On y va. Abou de Bang. Oh. Abou de Bang. Oh. Watibé. Watibé. Déjà précoce. Non. Dawala. Dawala. Couche pas le boss. Aïe, aïe, aïe. On pompe le torse dans la foulée, on brise la nuque. Si tu cherches la merde, évident qu'on te cassera le huc. Tu règles à vous la falras. Falras pour le plat, tu la valras. Quelques dossiers à trier, prier, fraîchement sorti du garbage. J'ai des impératifs. Comme masque, un côté négatif. Cerné, on dort, pas s'appréhendif. Pas là pour céder à tes caprices. Ravaler ton équipe. On perd ce y crève, après ça on équipe. Votre conflit, trempe à l'époque critique. C'est quand t'es un as, contre le débit. Trempe à l'époque mimique, arrêtez les mimiques. Quand ça kick, allez vous sur le beat. Les vérités si profondes qu'elles gardent dans la gorge de tout vos suspects. Yeah, hey, les connais toi, tu vois, j'y ai au chrome. J'y ai au chrome. J'y ai au chrome. 3h du mat, poto, j'suis dans le club. Entends rien, trop de chef. Ramène-moi de ma grand-maman, tu champes et deux paquets de club. Ça fait 2 heures qu'on a quitté le bloc. Pas de bébé, soit dans le coffre. Les robes, Star Wars, c'est je leur montre. Vas-y, qu'il est. La vie, c'est que t'es fonce, car pour des actions, t'es qu'au niveau d'un siège. Quand tu fais big, black, rouge, j'ai trop de toi, c'est la top, j'en flic. Tape, elle est bien à notre gauche, bégalé sur notre droite. C'est le bonsoir, se déroule autant qui se tape. La mérale à notre gauche, bégalé sur notre droite. Coupé des galets, mais faut régler sur notre droite. On y est fait trop dollars, change pas l'instruit. Tu vis dans un monde d'illusion. C'est peut-être pour ça que l'argent rend beau. Pas de solution, chacun sa guerre face au monde entier comme Rambo. Yeah. Fait pour la guerre des nerfs. Je m'en bats les couilles de qui tu es. J'insulte pas leur mère, je respecte même les prostituées. Je du bled pour faire du blé comme ces putains de vendeurs de maïs. Et entre nous, t'en fais mon bide. Non plus sincèrement qu'on me haïsse. Je prends l'ampleur qu'on s'est alcoolisé. Mère en pleurs, mineur alcoolisé. Terrain miné, voiture banale. J'ai vu la hesse me paralyser. Grandi dans les tours de briques. Ma maison faisait peur à l'huissier. Les MC se taillent des pipes. Arrêtez le rap de les menuisiers. Embrouille, les mecs s'affrontent. Un police scientifique contre les douilles. À quoi ça sert de pousser la fonte si tu peux même pas porter des couilles. Dans les ténèbres en train de déchiqueter tous les fils d'eux qui font que tu payes, qui ne font pas le 3 à quart de ce qu'on est. Le 3 à quart de ce qu'on est. Je suis dans la tendance, ton équipe est pauvre. Mais qui chuchote que Belize est hoche. J'ai les mains trempées dans le fiac du rap français jusqu'à les pas des gants. Je fais des étincelles quand je confine mes phrases. Nique ton père comme mon équipe est hale. C'est doux, je crève tes yeux verts. Bousille ton corps si tu passes sous mes verres. Les infirmières sont plus que des terres. Même quand je me branle, j'ai plus que prospère. Mes pères, j'ai la coupe du roi. Ton appel un poil, je vais prendre la chenille. Un gros son de poteau, mon calumet de la paix. Si les requis sale, moi je me replay. Ne fais jamais de promesses qu'à m'aider d'être l'épée. Avec ou sans sol, tout dépend de fait. Et c'est moi j'ai défait quand la jalousie a défait l'amitié de frères de sang, car nous aille le jeu. Je ne suis pas du game, mais moi j'ai souvent dégainé, car j'ai eu des larmes de plomb, puis d'une fois dans les yeux. Scarati, mes fans, dédicace à l'opinel. Vu que la rue laisse trace sur mon épée. Dès que je mène, et que contraste avant que je snack, faut que je laisse une trace, mon effet divers. On défigure la vie comme donné dans Scarface. C'est l'époque qu'on soit dans Star Trek. Vu l'époque, le Glock est la seule arme, mais moi j'ai ma plume, ma voix et mon port d'armes. Femme, mes charmes n'auront pas ma peau. Je suis indomptable comme les bonhommes d'Onzo. Y'a pas de plomb de boson de clown dans ma zone boom pour les keufs quand nos tigres ramènent des euros. Et quand je kick, le mic l'incendie. Viens au mic, je vous le fais pour pas un sentir. Si demain il pleut des douilles, faut qu'on sentir. Mais avant j'y passe, c'est qu'on a voulu la sentir. Bon de mic. Bon de mic. Tiens. Ok. Watibé, tiens. Les chroniques du Watibé Boss volume 2, bientôt dans les bacs, DJ HQ. Ok, wow. En ce moment j'ai le billet facile. C'est quoi ce genre de prod main? Wow. En ce moment j'ai le billet facile. Billet facile. Le 15 septembre. Le 15 septembre. Dans les bacs. Ah. Okay. Black M. En ce moment j'ai le billet facile. Ouais. Mon faux, les faciles. Yeah. Tu vas? Ok, je vais t'y pas. Yeah. Un saut. Tu pars au saut, basto chargé. Un saut, par où ça part? Dans la tête. Un. ce monde manger le billet facile. Gros, mon cœur est qu'un fri. Ils n'arracheront pas mes racines. Mes flots, mes faces, les farcines. Dans le Watt, il perd rien que sa vie. Dans le Watt, il perd rien que sa vie. Elle guette la taille des gens, je guette sa taille, son tarma, j'hésite à baisser la vite. Voir les groupies, je les renfale comme dans Hitch. J'éteins tous tes potos, puis je rallume mon spliff. Genre du ghetto, putain, arrête ton speech. La rue, c'est chaud dans ma caisse, y'a la clim. La rue, c'est chaud dans ma caisse, y'a la clim. J'suis du côté sombre, la force comme Anakin. Billets jaune, vert, violet. Dès qu'elle les voit, elle s'allège les babines. Moi, j'suis pas diplômé, mais pour faire du bif, j'suis dans les premiers. Trop lourd, pourquoi décoller? Au bord du cou, ni chaîne, ni collier. Prada à la Kaiser Soze. Rien d'intéressant, je pète mon joint, je me demande pourquoi Je n'aurai jamais la force d'un X-Men. Pourquoi tu me fixes, man? Dédicace au Renault, calme mes gangs. Comme le grave on des R.Y. Rap français dans un cercueil. Les MC sont si faibles, j'arrive plus à fermer l'œil. Donnez-moi un somnifère. Kiké, ça vient de chez nous. De l'école des PV. Et sucé, ça vient de chez vous. Y'a des bits sur vos CV. On vit dans un monde de vipères. Là où tu, où c'est pas mi-père. Les sentiments, ici on s'en tape, y'a que de la haine comme autant d'Hitler. C'est des calculatrices express, c'est pour pas compter sur les gens. Et si l'amour est dans le pré, les michetons ne sont sur les champs. T'es enceinte à 16 piges, mais ton rat t'esquive. Voilà ce que ça donne, pratiquer le sexe ivre. Les mecs en chien m'adorent et les chattes m'estiment. Tu fais le mec hardcore, chaque mesquine. Chaque mec prime dans la meuf qui veut gérer. Je gratte mes rides, non sans exagérer. Chaque soir c'est la même et c'est Paris by night. Des écrasements de tête, mon sourire est by night. Nous c'est nos vies, mais pour eux c'est qu'un style. On a brisé des côtes, on a mis des drive-by. Les chroniques volume 2. Hey. 15 septembre dans les bacs. De nouveau sur le raté, t'es bénef, moi tu peux m'adopter, tu écoutes bien. De mauvaise humeur, on va te niquer ta hair pour que tout le monde s'en souvienne. Code, count, 5, Smith, c'est Yad, ça chez nous, ça mange bien. Débrouillard dire, y'a rien à dire, à pas sentir ma patate dans le refrain. Mise au monde par un geyser, négro azelé dans le désert. Visu de Zoulou dans la poche, un jeu de haute viscère sans jamais dire si mère. Va niquer ta grand-mère, ton café est ciblé à 3h. Ça moi tu veux qu'on compatisse, mais pendant la guerre, mes négros cheese. Faut des gros cheats, sinus bousillé, la chevrotine. Ça chiffre vite, même quand ça tire, c'est la routine. Toujours sur la routine, même quand la route tourne. Ne parle pas de nous fils, on va te percer la foufoule. Dernier négro. Toujours les chroniques, freestyle. Chronique volume 2. Y'a encore des kickers. Volume 2, le calme. Tombe dans les bacs. Chouf. Tu perds quelques potes et quelques putes pour la simple et bonne raison que tout le monde ici bat court après les levé. Si moi je te fuis, oui mon ami, si tu nous trahis pour des bitches, qu'on va te levé. À la bonne heure, j'ai ce rappeur à la goli, bande de j'ai mal au cœur que de Tommy dans mes concerts. Ok, alors mon seul moteur c'est le phobie, car j'ai bien peur d'être chômeur sans la musique, je vais finir comme chômeur. Oh l'enculé, fais pas l'ancien mon gaba, à plus forte raison si t'es un bouffon doublé d'une pouca. Pose-toi les bonnes questions, pourquoi je suis plus respecté que toi et c'est dans ton propre petit cas. Je le fais pour le Wally, mes gaba tout Paris, je me pas 25 rarim, on raconte pas ta vie, mon chakra les attire, les pétasses de ralice, à là-bas je suis marche, je voulais marcher en ramis. Tu perds quelques principes et valeurs pour les lovés. Et puis souvent tu perds quelques lovés pour les meufs cambrées. Encore. Tu perds quelques principes et valeurs pour les lovés. Et puis souvent tu perds quelques lovés pour les meufs cambrées. Fous mal quand tu t'as pigé pigeon. Ouais, c'était beau pour des piges. Fous mal quand tu t'as pigeon. C'était beau pour des piges. Fous mal quand tu t'as pigé pigeon. Ouais, c'était beau pour des piges. Le 15 septembre dans les bars. C'est chaud, gros faux, c'est merdéré. Chacun son PQ, c'est comme au parc. Là, c'est la vente du stup dans tous les quartiers. Désolé, monsieur, là, j'en mets pas la placard. Moins de 12, 15, c'est un. Conatal qui faut son dépôt, son castal. Pour les mecs du dessous, comme ma belle ville sous. Pour laisser du sang, comme ma cartade. Dans la ville de vanité, dans la ville de vanité. Dans ma ville, tu s'expliques. Paquet déséquilibré, des bâtiments délabrés. Qu'on les recours sous les pieds, qui disent comme des porcs. Mais qu'on rien à célébrer. Pour les mecs qui ont jamais fait de sport, les bassins d'équipe d'or. Les Sénégalais, les gringalais, qu'on a force à musclore. Je ne veux, c'est folklore, mais j'ai vu des bygones. La famille, c'est pas dessiné, je demande le popcorn. Hey, tu veux tester, mais la clique vient du mordant. Moi tu fais de négo sur un hop, baisse par plainté comme le transport. Coup de balle dans la night et c'est non-stop. Dès qu'elle plate dans les yeux, puis qu'il s'en fout. Le one-one à l'orage, mais ça compte pas. Le gaz-gar, mais le win, ça sonne. Si t'entends plus de bruit, c'est la poste. Tard dans la nuit, je suis dans les bateaux. Whisky, ça sur le rose, stop la selle de bloc. Une claire, qu'on est bourré de gonfler des courses. Poursuite, coke dans les naseaux. Comme un que mec a pété les planchers comme belle. Vu qu'on a quitté la rue des banques, qu'est-ce qu'on se lève. Bien que pour le faux des bâtiments, gros, c'est la patrie qui nous a dit de raqueter les banques. Je traîne ma couleur à Ben Time, mais j'ai fait la guerre, on marche plus de kilomètres pour faire les millions de billets. Cassera les BPM, casse tes manettes, dégaine, plaque, on est prolétaire, trace, fais-le dans les veines. Est-ce que t'as compris? Fous mal quand si t'as pigé pigeon, ouais, c'était beau pour des piges. Fous mal quand si t'as pigé pigeon, ouais, c'était beau pour des piges. Le 15 septembre dans les bars. Demain il va se passer la même chose. Dès qu'on j'allume ton torse, suffit d'entre quatre poches, là tu vois que le monde est tout petit. Pour niquer l'ambiance, il suffit d'une balance, une avance et un coup de fil. Les deux yeps dans la merde en train de rouler inter en esquivant les coups de scie. Y'a ton sang sur ma veste, on a connu la reste, coulé bré par et tout de suite. Broliqué dans un broli. Grossière peu ça touche dite. Dernier des négroïdes. Autour du cou, aucune relique. On va t'allumer ta mère au missile volontaire. On veut la vue sur la mer. L'argent n'a pas d'odeur, je vais pas te répéter. C'était ton fait tomber de la neige. Voilà, ça a découpé. Je suis parti à bord. Bah, c'était bien. Ah, j'ai coupé. L'insolent était là aussi avec nous. Watibé au complet. Watibé au complet. Merci à vous pour cette première soirée, messieurs. Une grosse semaine qui nous attend. Vous l'avez entendu avec plein d'extraits de ces chroniques du Wati Boss qui sort la semaine prochaine. On a 7 jours de la sortie. Qu'est-ce qu'il y a là, voilà, je vois que tu as pris plein de notes. Ouais, là, en fait, mon gars là, là j'ai une petite pub à faire pour un ami à moi qui s'appelle Junior, qui a ouvert une agence de location de voitures, des Smart en l'occurrence. Donc allez tous sur le site www.louerpratique.com. Louerpratique.com. C'était la page pub de Abou de Beng. Abou de Beng. Et je passe une grosse dédicace à mon gars Termeur qui m'écoute actuellement. On est ensemble, ma gueule. Yeah. Merci aussi, j'aimerais dédicacer toutes les personnes qui travaillent avec nous. Manon, Clarisse. Voilà. Mano, Clarisse, il y a Rachid, il y a Doumam, c'est François qui est là. Il y a François, Simon, François, tout le monde. Il y a du monde. Il y a du monde. L'équipe. Et toute la semaine, vous serez là entre 20 et 21. Merci à vous, Black. Et dédicace à la team DJ HQ. Dans la semaine, c'est l'occasion. Je suis là, du boss Tigère aussi. On est tous là, de toute façon. Et le boss. On sera là, on sera là. Qui sera là aussi. Masque aussi, il va passer. Et bah, très bien, on suivra ça toute la semaine. Juste avant de se quitter, avant de retrouver Difool en direct dans un instant, la roulette qui tourne. Skyrock t'offre le concert des deux mégastars US, Jay-Z et Stade de France. Salut Morgane de Nantes, ça va bien? Oui, ça va super. Dans cette chaleur, bienvenue dans la chaleur du studio Planète Rap, Morgane. Ouais, j'ai écouté. Eh bah écoute, terrible, on fait tourner la roulette, c'est parti, des places peut-être pour Jay-Z et Beyoncé, qui paraît-il vont signer sur le label Watibé. Jay-Z et Beyoncé. Si, bah, ils viennent pour ça. Ils viennent pour ça. Ils viennent pour ça ce week-end. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà, toi tu y seras aussi juste avant la signature sur le label Watibé, direction le Stade de France. On sera là-bas. Jay-Z et Beyoncé. Avec Jay-Z. Eh ben c'est pour toi, il y a deux places. Manon ? Morgane. Pourquoi Manon ? Manon, Morgane. Très bien, bah écoute Morgane, c'est pour toi, il y a deux places. Je vais faire une dédicace. Vas-y, on t'écoute. Bah, je vais faire une dédicace à Laura, à Roxane et tous ceux qui m'écoutent. Et je vais dire, le Watibé, il déchire. Eh merci, bah voilà. C'est gentil, c'est gentil. Et n'oublie pas la sortie des chroniques la semaine prochaine, Morgane. Ouais. Je te fais des bisous, passe une bonne soirée. Ouais. Merci à vous tous. Le studio se vide et s'est vidé même. Dawala, on va pouvoir profiter du gâteau tous les deux. Ah ouais, je crois qu'on va manger tranquillement. On va le défoncer tranquillement. Merci en tout cas, rencard demain. Ouais, rendez-vous demain, bah. Demain toute la semaine on sera ensemble, il y aura nos gars de Belgique qui seront là, il y aura Red Cross, dédicace à tous les mecs de BX, il y aura BY, Orléans Centre, voilà, c'est ça le Watibé. Et ben on découvrira tout le monde cette semaine. Et n'oubliez pas, allez voir le clip de Madame Lachance. Et oui, il est dispo dès maintenant. Et on va retrouver Difool qui est là aussi connecté avec tout le monde. Et oui, on salue le Watibé et merci pour cette première soirée de la semaine. Eh ouais, t'avais bien la pêche. Grosse semaine. Oui, oui, maintenant on est arrivé, c'était chaud. Oui. Ah ouais. Venez c'est profiter, clair. Il y a du gâteau pour les 15 ans du WAV, venez. Ah ouais, merci bon, pour le gâteau. On va pas vous faire payer, venez. Je tiens à rassurer tout le monde, on l'a remis au frais, donc il est pas dans la chaleur du studio. Ah oui, parce qu'il doit faire chaud effectivement avec ta chemise, ça va, tu tiens. Mais qu'est-ce que vous avez tous contre ma chemise? J'ai mis une très belle chemise. Oui, à Caro, je t'ai vu. Mais je sais. J'ai entendu Aymeric se charger avec. Je sais. C'est Fred le bûcheron. Tout le monde me charge avec cette chemise qui est pourtant magnifique. C'est Fred Ingalls. Elle est bien la chemise. Tu es très beau avec. Je suis à la One Again. Elle est bien. Voilà. Fred à la One Again. À la One Again. Retour, alors, de retour. Avec le Watibé à découvrir tout au long de la semaine. Restez bien sur Skyrock. Vous aurez le rendez-vous de demain. Et puis bien ce soir, une grosse soirée qui démarre. On a une visite ce soir. Ah, je sais. Eh oui, tu sais, c'est qui? Me suis déconnecté. Et oui, tout l'été. Bien joué, Fredo, tu chantes super bien. Du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Oui, Romano. Vas-y, tu commences le premier couplet, je te rejoins. Ouais, bah on va faire ça tout à l'heure. Ok. Déconnecté. Connaissez le morceau, connaissez Kaina Samet. Bah, Kaina, viens nous rendre visite. Elle est déjà dans les couloirs, là. Ouais. Elle traîne déjà dans les couloirs. Je l'ai vu. Et ben, on va la retrouver avant minuit, puis même dans quelques instants. Donc, restez bien sur Skyrock. Vous pouvez nous appeler tout au long de la soirée. Dès maintenant, 01 53 40 30 20. On vous attend sur tous les réseaux sociaux. Vous faites péter. On vous attend sur le 41 759, sur le skyrock.fm. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous, profitez. Le Watibé, rendez-vous demain. Kaina Samet, rendez-vous dans un instant. Dans elle un même... instant. Ouais, elle est même arrivée avec des petites surprises pour ce soir. Restez bien là, des surprises, on en aura plein là jusqu'à minuit. On arrive dans une minute sur Skyrock avec le son de Jul, c'est Seniora, à tout de suite. Jay-Z and Beyoncé. Jay-Z and Beyoncé. Jay-Z and Beyoncé.